say, yeah, heaven all well done. Well, they say, faire ça. Du Renault, ces accords de Renault. La la la, lola. Ah oui. Cassez la voix, je suis cassé coréen en tombant de ma bicyclette. Oui, j'ai raté un virage. Je suis cassé la voix, je suis cassé la voix.

Je crois que je me trompe, d'accord. Mmh. pas la mesure. Toi. Moi, je voudrais un gin tonic. Bière.